الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا الدرس 21 في المورد العجب الزلال للشيخ النجمي حفظه الله تعالى. سندخل 21e كور autour dans le livre de Cheikh Najm hafidhahullah ta'ala, la source abondante et délicieuse. يقول hafidhahullah ta'ala: فصل. من قال لا إله إلا الله وهو مع ذلك يدعو المقبورين ومن يسميهم بالأولياء من دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هل يعتبر مسلما؟ وما هو الدليل على ذلك؟ الجي hafidhahullah ta'ala, il ouvre un chapitre et il commence ce chapitre par cette parole. Qui dit la ilaha illallah, et avec ça, en disant la ilaha illallah, il demande aux morts, et à ce qu'il appelle l'awliya, en dehors d'Allah Azzawajal, il leur demande ce que ne peut faire qu'Allah Azzawajal. Est-ce qu'il n'est capable de faire qu'Allah Azzawajal? Est-ce que celui-là, il est considéré musulman, et pourquoi, et c'est quoi la preuve? والجواب وبالله التوفيق ومنه أستمد العون والتوفيق والسداد. اعلم أن من قال لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله راجيا منه جلب النفع ودفع الضر الذي لا يقدر على جلبه أو دفعه إلا الله، أو ينذر له، أو يذبح له على اسمه، أو يستغيث به ويستجير، فهو مشرك شركا أكبر، كافر بوحدانية الله. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، ولو كرر لا إله إلا الله في اليوم 70,000 مرة، فإن ذلك لا ينفعه أبدا حتى يكفر بما يعبد من دون الله. وإليك الأدلة من الكتاب والسنة. Il répond, Cheikh Hafidhahullah Ta'ala a posé la question pour attirer notre attention. Il répond à cette question en disant, et voici la réponse. Et toute l'aide, je la cherche auprès d'Allah Azza wa Jal. Il dit, sache que celui qui dit la ilaha illallah et qu'il demande à quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il espère de ce quelqu'un d'autre de lui ramener le bien et de lui repousser le mal, il lui demande des choses, de lui donner des choses que sauf Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire, ou de lui repousser un mal que sauf Allah subhanahu wa ta'ala peut repousser, ou il lui fait des vœux, ou alors il égorge pour en son nom de celui qu'il appelle, ou alors il cherche secours auprès de lui, il se réfugie auprès de lui. Sache que celui-là est un associateur, et il est tombé dans le grand associationnisme. Et il mécroit en l'unicité d'Allah, même s'il prie, même s'il jeûne, même s'il prétend qu'il est musulman, même s'il répète 70 000 fois « La ilaha illallah » dans sa journée. Tout ceci ne lui sera d'aucun bien, jusqu'à ce qu'il mécroit en ce qu'il s'adore en dehors d'Allah, Azza wa Jal. Et voici l'épreuve du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. « Yaqulu hafidhahullah, al-dalilu al-awwalu min al-Qur'an » قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فتبين من هذه الآية أن الله عز وجل أرسل الرسل بشيئين، أولهما الإيمان بالله وحده وعبادته بما شرع على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. Il dit, حفظه الله تعالى, la première preuve, il nous vient directement de la parole d'Allah عز وجل, dans sourate An-Nahl, verset 36. Le verset nous dit ceci: nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Adorez Allah et évitez d'adorer Tarot, c'est-à-dire tout ce qui s'adore en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et il est des gens, il fait partie de ceux qui ont été guidés. C'est fait partie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a guidés et certains que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu leur égarement. Le verset, c'est dans les abeilles, verset 36. Donc, il nous apparaît clair des chéris que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers. Il a envoyé les messagers avec deux choses: croire en Allah et adorer Allah uniquement, et adorer Allah avec ce qu'il a légiféré par la voix de ses messagers alayhi salatu wassalam. Hada min nahiya. Taniyan, al-kufr bit taghut wa ijtinabuh wa kullu ma ubida wa ijtinabuh wa kullu ma ubida min duni Allah fa huwa taghut. والطاغوت مشتق من الطغيان ومن حق كل مخلوق أن يكون عبدا لله فإذا عبد من دون الله فقد تجاوز به عابده حده ومن أجل ذلك سمي طاغوتا ووثنا سواء كان المعبود ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو شيطانا أو إنسيا أو جنيا أو شجرا أو حجرا أو منحوتا أو غير منحوت فمن عبد الله ولم يكفر بالطاغوت لم تصح عبادته ولم تقبل منه حتى يكفر بما يعبد من دون الله. Donc deuxièmement, c'est-à-dire que la foi est composée en deux parties: le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal, et deuxième point, c'est que de mécroire en tarot et de l'éviter. Et tout ce qui s'adore en dehors d'Allah, Azza wa Jalla, c'est un tarot. Et tarot vient de l'adverbe Torian. Et il est du devoir de tout un chacun d'être le serviteur d'Allah. Et s'il s'adore en dehors d'Allah, Azza wa Jalla, donc il a celui qui l'adore a dépassé ses limites. Donc il a, celui qui l'adore, a fait dépasser à cet adoré ses limites d'être un serviteur d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela qu'il a été appelé Tarot ou Wethen, statue. Que ce soit celui qui a adoré un ange rapproché d'Allah, ou un prophète, ou un messager, ou un allié, un wali, ou un shaitan, ou un être humain, ou un djinn, ou un arbre, ou une pierre, qu'il soit sculpté ou non sculpté. Car celui qui adore Allah et ne croit pas en tarot, et ne mécroit pas en tarot, son adoration est non avenante. Il ne sera pas accepté de lui jusqu'à ce qu'il mécroit en tout ce qui s'adore en dehors d'Allah Azza wa Jal. وهنا حاشية يقول الشيخ ملحوظة observation: الملك والنبي والعبد الصالح لا يسمى أحدا منهم طاغوتا لأنهم لا يرضون لأحد أن يعبدهم من دون الله ومن عبدهم فإنما عبد الشيطان في الحقيقة والدليل على ذلك محاورة ابن الزبعرى للنبي صلى الله عليه وسلم حين نزل قول الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون الآيات ثم نزل بعدها إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى ولمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير وأخيرا فالشيطان الذي دعاهم إلى عبادة غير الله هو الطاغوت. Ici, il y a une observation pour dissiper certaines ambiguïtés. Je viens de nous dire, l'ange, le prophète, le serviteur d'Allah, le vertueux, le rajoul salih, on les appelle pas des tarots, car ils n'agréent pas l'adoration que leur réservent ceux qui les adorent. Et ceux qui les adorent, en réalité, ils n'adorent que Shaitan. Et la preuve, on est ce débat qu'il y a eu entre Zabara et le prophète, alayhi salam. Quand il descendit la parole d'Allah, Azza wa Jal, ce que vous adorez en dehors d'Allah, vous êtes, et ce que vous adorez en dehors d'Allah, Azza wa Jal, un combustible du Jahannam. Vous allez y aller. Et après ce verset est arrivé, ceux qui ont reçu le bien de notre part, et ceux à qui le bien est arrivé à eux en premier, ceux-là seront éloignés du feu de l'enfer, ils n'entendront même pas son bruit. Ils sont dans ce qu'ils ont envie, éternellement. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui adore Isa, en réalité c'est Shaitan, Isa qui prend la forme de Isa. Et celui qui adore l'Uzair, en réalité c'est Shaitan de l'Uzair qui prend la forme de l'Uzair. Et donc il dit, hafidhahullah ta'ala, c'est Shaitan qui les a appelés à adorer autre chose qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui ta route, et non pas Adam. فهذا الزبعرة شاعر جاهلي كان يهجو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحين نزل قوله عز وجل إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون بدأ يلقي الشبه في قريش وأراد التشويش على المسلمين فقال النصارى تعبد عيسى وهل عيسى ابن مريم في جهنم والعرب تعبد الملائكة فهل الملائكة في جهنم واليهود تعبد العزير فهل العزير في جهنم انظر كيف يلقي الشبه قال يا محمد كيف النصارى تعبد عيسى وهل عيسى في جهنم وهكذا قامت الدعاية والضجة والتشويش فهكذا حال الفتانين والذين يلقون الشبه في المسلمين قامت الدعاية والضجة والتشويش فأنزل الله عز وجل قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون فألقم الزبعرى حجر والمشوشون معه وهذا رد إلهي لهذه الشبه فالرد على المخالف له أصل في كتاب الله وفي صحيح سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام فالذين سبقت لهم الحسنى من الله بعيدون عن جهنم دونك الزبعرى ici dans l'observation que fait Cheikh ici, Zabara est un poète de l'époque de l'Jahiliya. Il critiquait le prophète a.s. Il insultait dans sa poésie le prophète a.s. Il le dénigrait. Et quand il descendit le verset d'Allah Azza wa Jal qui dit, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah Azza wa Jal, vous allez être le combustible du Jahannam. Et vous allez aller en enfer. Il a commencé à envoyer les ambiguïtés dans les leçons, dans les esprits des gens. Cheikh Quraysh, et il a voulu une perturbation et perturber les gens. Et il a voulu que les gens se révoltent contre les musulmans. Et il a dit, Nasara, les chrétiens adorent Isa. Est-ce que Isa, le fils de Maryam, est en enfer? A'oudou billah. Les arabes adorent les anges. Est-ce que les anges maintenant sont au feu de l'enfer? A'oudou billah. Les Yahoud adorent l'Uzair, est-ce que l'Uzair est au feu de l'enfer? A'oudou billah. Regardez comment ils jettent les ambiguïtés. Ainsi, ceux qui veulent envoyer des perturbations dans l'esprit de la communauté, ainsi ils agissent. Et il a dit, ô Mohammed, comment Nasara adore Isa? Est-ce que Isa est à Jahannam? Les Yahoud adorent l'Uzair, est-ce que l'Uzair est en Jahannam? Les Arabes adorent les anges. Est-ce que les anges sont en Jahannam? Et ainsi, il a perturbé les esprits. Il a, ainsi font les gens les perturbateurs. Ainsi, ils envoient des ambiguïtés dans la communauté. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, après ce verset, il a dit son verset qui dit, Et ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut le bien, hein, ils sont loin de l'enfer. Donc Isa, l'Uzair, le Malaïka, ceux-là, ils sont loin. Ils ne sont pas considérés. Parce qu'ils n'agréent pas l'adoration que leur vouaient, que ce soit les Juifs ou là les Chrétiens ou là les Arabes, qu'ils vouaient aux anges. Donc ils sont loin de ça. Donc dans ces cas-là, il y a un caillou de charbon qui a été jeté dans la bouche d'El Zabara. Hein? Et les perturbateurs avec lui ont reçu le même caillou. Et ça, c'est une réplique d'Allah Azzawajal. C'est une réfutation d'Allah Azzawajal. Cela te montre aussi que la réplique contre ceux qui sont en divergence avec la vérité a sa source dans la parole d'Allah Azzawajal et dans l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Hein? Regarde, cette réplique-là, subhanahu wa ta'ala, a fait à ce Zabara et à ceux qui sont comme lui. C'est-à-dire que les hommes de science qui font la réplique à ceux qui sont en divergence avec la voix que Allah subhanahu wa ta'ala aimait agré, ils ont leurs raisons et leurs preuves dans la parole d'Allah Azzawajal et dans l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam que nous allons le voir plus loin. Walakin, innakum wa ma ta'budun, walakin le maqsoud, innakum wa ma ta'budun min dunillah hasabu jahannam, antum laha waridun, ay l'aliha al-batila. الآلهة الباطلة كفرعون والأحجار والنمرود والشيطان المعبود الأعظم عند المشركين أما الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة فهؤلاء لا يرضون بعبادة الجهال لهم. Est-ce qu'il voulait dans le verset, vous est-ce que vous adorez, vous êtes au feu de l'enfer? C'est cette divinité, cette fausse divinité qu'on adore en dehors de l'Allah, c'est comme Firaoun, comme Shaitan, comme les pierres, comme Namrod, qui est le roi qui était à l'époque de Ibrahim alayhi salam. Comme Shaitan qui est le plus grand adoré, le géant adoré par les associateurs. Quant aux prophètes, l'Aulia et les vertueux, les anges, ceux-là, ils n'agréent pas l'adoration que leur vous les ignorons. Donc, ils ne rentrent pas dans ceux qui vont aller en enfer, loin de là. وبعض أهل العلم يقولون قبر الرجل الصالح الذي بني عليه ضريح فهذا طاغوت ولكن افهم أخ الإسلام هذا بالنسبة للقبر لا للمقبور يعني أن المقبور لا أحد يتكلم فيه نبيا كان أو رجلا صالحا ولكن بالنظر إلى القبة العظيمة التي يذبح عندها ويطاف لها يقال طاغوت بالنسبة للضريح أي للبنيان وليس بالنظر إلى الميت فالميت من الأولياء الصالحين يبرأ إلى الله مما يفعله الجهال عند قبره. Certains hommes de science disent aussi que la tombe de l'homme pieux, de l'homme vertueux, sur laquelle on a construit un mausolée, ça c'est un tarot. Mais fais très attention frère en Allah, je comprends bien la parole des hommes de science. Il est tarot par rapport au mausolée, c'est le mausolée qui est un tarot, pas celui qui est dedans. Pas le mort. C'est le mausolée, la construction qui est considérée comme un tarot. Parce que, autour de cette construction, on tourne. Comme on fait tawaf, on égorge, on fait des vœux, etc. Et personne ne désigne comme tarot le prophète ou un homme pieux. Hein? Mais tarot, c'est par rapport à la construction. Par rapport à la construction. Donc, les morts parmi l'Auliya, et parmi les vertueux, et parmi Salihin, et parmi l'Anbiya, etc. Ils disent à vous les actes d'adoration qu'au fond, les ignorants à côté de leur tombe. فعبد القادر الجيلاني ما يرضى بما يفعل عند قبره وكثير من الصالحين ما يرضانا بما يفعل عند قبورهم وكان أهل نجد قديما قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعبدون زيد بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وكان قد قتل في معركة الردة أيام أبي بكر ودفن هنالك وفي الأزمنة الأخيرة بني على قبره ضريح وكان أهل تلك النواحي ينذرون له ويذبحون له ويستغيثون به يا زيد بن الخطاب يا زيد بن الخطاب الذي يريد الشفاء يأتيه الذي يريد حاجة يأتيه وزيد بن الخطاب صحابي جليل فاضل هل يقر ما فعل عند قبره أبدا ف فزيد ليس طاغوتا، ولكن الضريح الذي بناه القبوريون على قبره هو الطاغوت. هكذا بين هذا الأمر وجلاه أهل العلم، حفظ الله الأحياء ورحم الله الأموات. دونك عبد القادر الجيلاني رحمه الله، il n'agrée pas ce qui se fait à côté de sa tombe. Et beaucoup parmi les gens vertueux et les hommes du hadith autour duquel on a construit des tombes, ils n'agréent pas ce que font les gens à côté de leur tombe. Les habitants de Najd, avant la da'wah de Mohammed ibn Abdullah, rahmatullahi alayh, ils adoraient Zayd ibn al-Khattab, qui était un noble compagnon. Il a été tué pendant l'une des batailles de l'apostasie avec Abu Bakr Siddiq. Et il a été enterré là-bas. Et avant Mohammed ibn Abdullah, on a construit sur sa tombe un mausolée. Et les gens de cette région allaient faire des vœux et égorger pour sa tombe. Et demander secours à Zayd. Ils disent, Ya Zayd ibn al-Khattab, fais-nous ceci. Ya Zayd ibn al-Khattab, fais tomber la pluie. Ya Zayd ibn al-Khattab, donne-nous des enfants, etc. Et Zayd ibn al-Khattab est un noble compagnon. Il n'approuve pas ce qu'ils font autour de sa tombe. Abedin. Donc Zayd ibn al-Khattab, ce n'est pas un tarot. Mais tarot, c'est la construction. Qu'on construit ceux qui adorent les tombes, le Khoboriyoun. C'est comme ça qu'ont détaillé les hommes de science cela. Parce que ce serait injuste de dire d'un compagnon que c'est un tarot, ou là d'un prophète, ou là d'un homme du hadith, etc. ثم إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هدم هذه القبة وأزال ذلك الضريح، ويقولون أن الشيخ قبل أن تكون له قوة ودولة تساعده كان يأتي عند هذا الضريح وعامة الناس جهال وعلى الشرك والخرافة، وإذا سمع أحدا منهم يقول يا زيد بن الخطاب كان يقول لهم الله خير من زيد بن الخطاب، فكان رحمه الله حكيما، كان يقول ذلك حتى لا تكون هناك مواجهة، لأنه إذا قال شيئا عن زيد سيهتفون ابن عبد الله يطعن في الصحابة والأولياء، ولكن كان يسكتهم بهذه الكلمة الله خير من زيد، لكنه لو قال زيد ما ينفع وما يضر، إنه ميت، صاحوا انظروا كيف يطعن في الصحابة، لأن المبطل دائما ينتظر منك كلمة ولو محتملة وفيها 1% غلط يمسكها عليه ويشيعها، انظروا فلان لا يحب الأولياء، انظروه يتنقص الأئمة والأعلام، وهكذا أهل الزيغ وأهل الضلال يفعلون بأهل الحق وبكلام أهل الحق. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه il a dit trouver son mausolée. Il a enlevé son mausolée. On rapporte que Cheikh Mohammed ibn Abdullah, rahmatullah, avant qu'il y ait la puissance, avant qu'il y ait un pays, un État qui l'aide, il arrivait à côté de ce mausolée où il y a Juhal, qui sont ignorants, qui sont dans l'associationnisme, et qui suivent les mythes, etc. Et quand il entend l'un d'eux dire, ou Zayd, faire des doigts à Zayd, ou Zayd, il leur dit, Allah est mieux que Zayd ibn al-Khattab. Il était sage, rahmatullahi alayh. Car s'il leur disait, Zayd ne peut rien pour vous, Zayd ne peut pas vous ramener le bien ni vous préserver du mal, ils vont tous sourire sur lui. Ils vont tous crier. Mohammed ibn Abdullah n'aime pas les compagnons du prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam. Mohammed ibn Abdullah n'aime pas l'awliya. Mohammed ibn Abdullah, kada. Mais il les faisait taire, leur disant, Allah est mieux que Zayd ibn al-Khattab. Et s'il avait fait autrement, il aurait crié. Mohammed ibn Abdullah, il n'aime pas les compagnons du prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam. Ils ont du faux. Ils ont qui suivent leur passion, qui suivent l'innovation, et qui se cramponnent à leur innovation. Ils attendent, une parole d'homme de la vérité, même si dans cette parole, il n'y a qu'un pour cent qui est faux, ils n'attendent que ça. Pour dénigrer cet homme, pour dénigrer sa voix, pour dénigrer sa da'wah, etc. Et c'est ainsi que font les gens de l'innovation et ceux qui suivent leur passion avec les gens de la vérité. Depuis l'aube de l'islam jusqu'à nos jours, c'est ainsi. Ainsi leur chemin. Fa, wa ad-dalil al-thani yaqulu al-shaykh, hafidhahu Allah ta'ala, ونفع به ومتع به وأدام عمره في طاعة الله وفي الدب عن منهج رسول الله وصحبه الكرام رضوان الله عليهم. يقول رحمه الله: الدليل الثاني أن الأمر بالعبادة جاء في القرآن الكريم مقترنا بالنهي عن الشرك طارة، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، سورة النساء آية 36. فتكون العبادة المأمور بها هي العبادة الخالية عن الشرك بالله، أو مقترنا بالأداة الحاصرة التي تفيد حصر العبادة وقصرها على الله دون غيره، كقوله تعالى: أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، وهذا في سورة يوسف آية 40. وكقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أو مقترنة بالحال الدالة على صفاء العبادة ونقائها من شوائب الشرك، كقوله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، أي حال كونكم مخلصين الدعاء له، وقوله تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. فإن ورد الأمر بالعبادة مطلقا في بعض المواضع فهو محمول على المقيد كما تقرر في الأصول، ويستفاد من هذا أن أي عبادة تكون مخلوطة بالشرك فإنها مردودة على صاحبها وغير مقبولة منه البتة، ويؤكد هذا ويدل عليه ما ورد في الحديث القدسي، وهو الدليل الثالث. Donc la deuxième preuve comme quoi il faut réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal, c'est que lors de l'adoration, quand il arrive dans le Coran, il est toujours en compagnie, il va de pair avec l'interdiction de l'associationnisme. Enfin, il arrive directement comme ça. Ordre de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal, et tout de suite après, l'interdiction de commettre de l'associationnisme. Comme ce verset dans Surat Nisa qui dit « Et adorez Allah et ne lui associez rien. » Et dans ces cas-là, l'adoration qui est ordonnée ici, c'est une adoration qui est d'une idée de toute forme d'associationnisme. Et aussi, dans le Coran, il arrive des versets où le verset, il est dedans, le fait que le culte doit être réservé exclusivement à Allah, Azza wa Jal, et arrêter tout simplement Allah Azza wa Jal, l'hasr. L'hasr est la limite, limitée, que l'acte de l'adoration ne soit fait que pour Allah Azza wa Jal. Et qu'il ne doit pas être fait pour quelqu'un d'autre. Comme dans ce verset dans Sourate Yusuf, verset 40 qui dit, il a ordonné qui Allah, que vous n'adoriez que lui. Sauf. Donc, arrêtez l'adoration seulement à Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la religion droite. Ce qui veut dire que l'associationnisme est interdit, puisque l'adoration doit être réservée exclusivement et arrêtée tout simplement à Allah Azza wa Jal. Et comme la parole dans Surat al-Fatiha qui dit, toi seul, à toi seul nous réservons le culte, et auprès de toi seul nous cherchons aide. Donc, c'est réservé et arrêter toute l'adoration et toute forme d'adoration, toute forme d'acte d'adoration, dont la demande d'aide et autres, le faire tout simplement à Allah Azza wa Jal uniquement. Et des fois, l'ordre de l'adoration accompagne une description pour te montrer la pureté de l'adoration, de toute forme d'associationnisme. Comme quoi, tout acte d'adoration doit être épargné et purifié de toute forme d'associationnisme. Ceci, tu le trouves dans ce verset qui te dit, dans Surat Ghafir, qui te dit, et adorez Allah, demandez à Allah sincèrement dans la religion, c'est-à-dire, vous ne demandez qu'à Allah, Azza wa Jal, vous n'utilisez aucun associé, ni aucun intermédiaire avec Allah, Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'au moment que vous faites du'a à Allah, Azza wa Jal, faites-le sincèrement pour Allah. Et comme l'autre verset qui te dit, dis, Allah, j'adore sincèrement. C'est pour Allah que j'accomplis ma religion sincèrement. Adorez qui vous voulez en dehors d'Allah. Et quand arrive l'ordre, dans le Coran, l'ordre de l'adoration au sens large du terme, dans certains passages, ceci, il est conditionné par ce qui est ce qui nous a été rapporté dans la science, il y a l'usul. Comme quoi, cet ordre de mettre en application l'adoration d'Allah Azza wa Jal, ça implique aussi le fait que ce qui est contraire est interdit. Qu'est-ce qui est contraire dans ces cas-là? L'association une. Donc l'association une dans toutes ses formes est interdite. Et on prend aussi comme point à retenir ici, comme le dit Cheikh ici, toute adoration qui est mélangée à de l'associationnisme, il est rejeté à la personne qui l'a fait. Il ne sera pas accepté de lui. Pas un atome d'adoration dans lequel il y a de l'associationnisme, il va être accepté. Et ceci trouve sa preuve dans le hadith qui suit, qui est la troisième preuve pour nous montrer qu'il faut réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. فيقول الشيخ حفظه الله تعالى الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه جل وعلا أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه والحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعند ابن ماجة رواية أخرى وغيره دونك La troisième preuve comme quoi il nous est interdit de faire de l'associationnisme, c'est ce que nous avons annoncé dans ce hadith Qudsi, rapporté par l'imam muslim et par d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce hadith, je suis au-dessus de tout associé. Je n'ai pas besoin d'associé. Au-dessus de tout ce que vous allez prendre comme associé avec moi, je suis au-dessus de tout ça, j'en ai pas besoin. Et celui qui accomplit un acte, dans lequel il aura associé quelqu'un. Il m'aura fait un associé dans cet acte-là d'adoration. Je le laisse lui et son associationnisme. Allah subhanahu wa ta'ala le laisse lui et son associationnisme. Cela te prouve quoi? Tout acte dans lequel il y a l'associationnisme, il est rejeté. Hein? Et la situation de la personne est dangereuse. Et le dalil rabi' أن الله عز وجل وصف المعبودين بالعجز وعدم القدرة على جلب النفع لعابديهم فقال ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وقوله على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. Donc, la quatrième preuve, comme quoi il ne faut pas tomber dans l'associationnisme. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ceux qui s'adorent en dehors de Allah, azawajal, comme quoi ils sont incapables de donner quoi que ce soit, de ramener un bien ou l'un d'eux, de protéger d'un mal. Rien, ils n'ont aucune capacité, aucun pouvoir. Ils ne peuvent rien pour ceux qui les adorent. Prenez par exemple dans le verset de Surat al-Furqan, verset 55. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut rien pour eux, ce qui peut ni ramener le bien pour eux, ni les protéger du mal. Et par la voix de Ibrahim alayhi salam dans surat al-Ankabut, il est dit ceci, ce que vous adorez en dehors d'Allah, Azzawajal, ils ne peuvent pas vous donner une subsistance. Ils ne peuvent pas vous donner la subsistance. Demandez la subsistance à Allah, Azza wa Jal, et adorez-le, et remerciez-le, car vous allez retourner vers Allah, Azza wa Jal. Donc on voit que les textes sont nombreux pour nous empêcher de l'association. À ton avis, pourquoi Cheikh, il ramène tout ce paragraphe? Parce que, vous avez vu, tout démarre de la première erreur, comme quoi les frères musulmans ne donnent pas l'importance à l'associationnisme. Il ne donne pas l'importance au monothéisme. Il n'appelle pas vers le monothéisme. Et il nous a cité l'exemple où Hassan al-Banna a fait une conférence dans l'un des plus grands mausolées de l'associationnisme en Égypte, qui est le mausolée de Sidi Zainab. Tout ceci pour nous avertir. C'est quand même, regarde, cette compréhension et cette voie saine sur laquelle sont les hommes de science. Même dans la réfutation, tu apprends des choses sur le pivot principal de cette religion, qui est le monothéisme. Et son contraire, qui est l'associationnisme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les couvre et les récompense comme ils le méritent. الدليل الخامس أن الله عز وجل وصف المعبودين بالعجز عن الخلق والإيجاد حتى لأضعف المخلوقات وأحقرها ولو اجتمعوا كلهم فقال: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. Donc la cinquième preuve comme quoi il faut réserver le culte à Allah Azza wa Jal, que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ceux qui s'adorent en dehors de Allah Azza wa Jal comme quoi ils sont incapables de créer quoi que ce soit. Et même de créer une petite créature. Il est plus vil des créatures, il est plus petite. S'ils se réunissent tous, les génies et les humains, depuis la création d'Adam jusqu'à la fin des temps, ils ne pourront pas. Il dit dans Surat al-Hajj, verset 73, le verset nous dit ceci: ceux que vous adorez en dehors d'Allah, ceux à qui vous demandez en dehors d'Allah, ils ne créeront pas une mouche, même s'ils se réunissent tous, et si la mouche leur arrive à qu'il leur prend quelque chose, ils ne peuvent rien. Donc ils sont faibles, celui que demande et celui qui à qui on demande. Tous les deux sont faibles. L'adorateur et l'adoré, tous les deux sont faibles. Et il disait un insensé un jour, qui a dit: Allah écrit, moi aussi je crée. Et il a pris de la viande, il l'a mélangée avec des déchets, il l'a fermée dans une boîte. Il l'a laissé pourrir. Et tout d'un coup dans la boîte, il y a des vers qui naissent dans la saleté. Qu'est-ce qu'il amène? Des vers, et ça grouille dans tous les sens. Il l'a ramené à ses élèves, il leur a dit: voilà, moi aussi je crée. Les élèves l'ont regardé, il a dit: si tu crées, si tu as créé, dis-nous le nombre de vers qu'il y a dans ta boîte. Dis-nous le nombre, cite-nous le nombre. Parce que celui qui crée, il connaît ce qu'il a créé, le nombre. Il est incapable de le faire. D'abord, il ouvre sa boîte, il va tomber raide. Tellement ça pue. Mais, la hayat aliman tunadi. الدليل السادس. أن جمع الآلهة المتخذة. أن جميع الآلهة المتخذة من دون الله عز وجل مخلوقة. والمخلوق الذي وجد بعد العدم لا يصح أن يكون إلها. فقال جل من قائل: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Le sixième point, le sixième prouve comme quoi tout ce qui s'adore en dehors d'Allah Azza wa Jal réunit, ce sont des créatures. Une créature a existé, a été créée alors qu'il n'existait pas. Il était dans le néant et il a été créé. Donc il a un début. Tout ce qui a un début a une fin. Et tout ce qui est désigné, qui vient du néant, qui n'existait pas, qu'on a fait exister, ne peut pas être une divinité, ne peut pas être quelque chose qui s'adore. On ne peut pas l'adorer. Le culte doit être réservé à Allah, Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention sur ceci, dans Surat Al-Furqan, verset 3, le verset nous dit ceci: ils ont pris en dehors d'Allah des divinités qui ne créent rien, et ces divinités sont créées, et ces divinités ne peuvent rien pour eux-mêmes, ni le bien ni le mal pour eux-mêmes, et ils ne possèdent ni la mort, ni la vie, ni la résurrection, ni le fait de ressusciter. Ce que les gens ont pris comme divinité ne peut rien. Il ne peut même pas le bien pour lui. Il ne peut même pas empêcher qu'un malheur lui arrive. Et donc il ne possède pas de donner la vie ni de donner la mort. Encore moins de faire ressusciter les gens. Et le dalil sabi'. أن الله عز وجل أخبر أن العابدين والمعبودين سيردون إلى جهنم ويكونون وقودا لها، وهذا إنما يتحقق في المعبودين الذين رضوا بعبادة أنفسهم من دون الله عز وجل. فقال جل من قائل: إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. Et la septième preuve, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncé que les adorateurs, ainsi que ceux qui étaient adorés, ils vont aller tous au feu de l'enfer, ils vont être le combustible de l'enfer. Et ceci va s'arriver pour qui? Pour ceux qui étaient adorés et qui agréent que les gens les adorent. Ceci n'est pas valable ni pour les prophètes, ni pour les anges, hein, ni pour les Aulia qui n'ont pas demandé aux gens de les adorer, etc. Loin de là. Mais ceux qui ont demandé aux gens de les adorer et qui ont agréé que les gens les adorent, ben ceux-là ainsi que ceux qui les ont adorés, au feu de l'enfer. Pourquoi les autres ils vont y aller? Parce qu'ils ont agréé que les autres leur vouent le culte. En dehors d'Allah, Azzawajal. Et le verset qui est passé avec nous tout à l'heure dans Surat Al-Anbiya, verset 98 à 99, nous dit: vous, est-ce que vous adorez en dehors d'Allah, Azzawajal, vous allez être le combustible du Jahannam. Vous allez y aller. Et c'est cela, en parlant de ces fausses divinités, c'est ces divinités, si cela était des divinités, ben ils n'iraient pas au feu de l'enfer. Et vous allez tous y être éternellement. Ceux qui ont adoré et ceux qui ont agréé qu'on les adore. Tous au feu de l'enfer. Al-Dalil al-Tamin. أن الله عز وجل قرر ضعف المدعوين من دونه وإفلاسهم وفقرهم فقال عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير. إلى huitième preuve, c'est que الله سبحانه وتعالى a confirmé comme ceux qui sont adorés en dehors d'Allah عز وجل, ils ont rien, ils sont pauvres. Ils n'ont rien. Faillite dans tous les domaines. Hein? Dans Surat Saba, verset 22, dit, Ya Muhammad, dis-leur, ceux à qui vous demandez à ceux que vous prétendez en dehors d'Allah, Azza wa Jal. C'est-à-dire, demandez à ceux que à qui vous demandez en dehors d'Allah, Azza wa Jal, ils ne peuvent rien, ils ne possèdent rien, pas un atome, ni dans les cieux, ni dans la terre, ils ne possèdent pas un atome, ni dans les cieux, ni dans la terre. Et ils n'ont pas été associés à la création des cieux et de la terre, ils n'ont rien. Hein? Ils n'auront aucun allié, ils n'auront aucune puissance devant Allah, ils n'ont rien du tout devant Allah, Azza wa Jal. ولما امتن الله على عباده بذكر شيء من أنعمه التي بدأ بقوله والله خلقكم من تراب ثم من نطفة إلى أن قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سورة فاطر. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala a comblé ses serviteurs et quand il a cité certains des bienfaits, il a commencé avec ceci. Et Allah vous a créé de terre et de sperme, et d'une goutte de sperme. Au plus loin, le verset il dit, Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir la nuit du jour, il fait sortir le jour de la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala fait que le soleil et la lune, chacun va vers un terme bien précis. Et ça, c'est Allah. Votre Seigneur, votre seul digne d'être adoré. Il a la royauté. Et ceux à qui vous demandez en dehors de là n'ont rien, rien du tout. Si vous leur demandez, ils n'entendent pas. Et s'ils vous entendent, ils ne pourront pas répondre. Et le jour de la résurrection, ils vont vous rejeter, vous et votre associationnisme. Donc voyez un petit peu, Allah subhanahu wa ta'ala cite au début du verset comment il a comblé ses serviteurs. Et à la fin, il nous montre que ceux qui adorent et qui demandent à ceux qui ne peuvent rien, à des tombes, que ceux qui sont dans la tombe, ils ne vont pas entendre. Et même s'ils entendent, ils ne pourront pas répondre. Et le jour de la résurrection, ils rejettent les gens. Ils ne reconnaissent pas l'associationnisme dans lequel ils ont mouillé ceux qui sont venus vers leur tombe ou leur demander quoi que ce soit. ثم قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. Donc, et aussi, il a dit, notre citation nous dit, ô gens, vous êtes les pauvres devant Allah Azza wa Jalla. Et vous avez besoin d'Allah Azza wa Jalla. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus riche. La richesse est dans le sens large du terme. Et s'il veut, il vous fait disparaître. Il ramène une autre créature, d'autres gens. Et ceci est simple pour Allah Azza wa Jalla, et facile pour Allah Azza wa Jalla. Surat Fatir, aussi, 15 à 17. الآن يقول الشيخ حفظه الله تعالى ويسأل حتى ننتبه فهل أصحاب الأضرحة وسكان القبور الذين يضفي عليهم أصحاب النحلة الصوفية القداسة ويدعون لهم شيئا من التصرف داخلون في ما أخبر الله عنه عز وجل به عن كل من عبد من دونه من العجز والضعف وعدم الملك وعدم القدرة على ما يطلب منهم فإن قلتم يا من تدعونهم من دون الله وأنتم يا من تقرون ذلك وتزعمون أنه ليس بمنكر نعم وهو الحق خصمتم ولزمكم أن تذعنوا للحق وتعودوا إلى الصواب فتتركوا عبادة غير الله وتنكروا الشرك وعبادة الأصنام فإن قلتم نحن لا ندعو الأصنام وإنما ندعو الأولياء الذين قال الله عنهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Maintenant, Cheikh, de poser la question pour attirer notre attention. Et il dit, est-ce que ceux qui sont enterrés dans les mausolées et ceux qui habitent les tombes, autour desquels les gens soufis et ceux qui adorent les tombes mettent une majesté. S'il te parle de ces gens, parle comme si c'est Allah Azza wa Jal. Il leur donne de ses descriptions. Il te raconte de ses histoires, de ses miracles, et de ces actes qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait. Même certains sont allés très loin. Ils disent que les pivots de leur croyance dans Sophia, le grand, ils se retrouvent tous les matins après Salat al-Fajr pour que chacun décrète ce qu'il doit être fait dans le monde. Il décrète qu'un tremblement de terre doit être à Miami, l'autre que ceci doit être là, etc. Ben nous leur demandons simple, il y a que vous prétendez ça pour votre aqtab, simple, ça fait 80 ans qu'on pleure notre Palestine, et que vous la pleurez avec nous aussi, et vous pleurez le malheur qu'il y a en Palestine. Bakoulan de vos aqtab haoula, qu'ils décident d'anéantir l'état juif, comme ça vous nous reposez, vous nous montrez que vous êtes sur la vérité, loin de là. Ah, c'est ce point-là, ils racontent sur leur aqtab. L'aïdan billah. Et celui qui lit le livre d'Yel Ibriz ou l'Atbriz d'Yel Dba, là tu tombes bien à l'islam. Rayyad Sitawam, A'oudou Billah. Donc, et cela, donc, Cheikh, il dit, ô vous, qui donnez cette majesté, qui vous rendez saints, ces gens qui sont dans leur tombe, et vous prétendez qu'ils font quelque chose dans ce monde, qu'il crée, qu'il régisse ce monde, etc. Et qu'ils ont la royauté, que vous leur prétendez beaucoup de choses. Et vous dites, ça, de tout ce qui s'adore en dehors de Allah, Azza wa Jal, alors qu'ils sont incapables, qu'ils sont faibles, et qu'ils n'ont ni la royauté, etc. Et si vous dites, vous, qui leur demandez des choses en dehors de Allah, Azza wa Jal, et vous qui l'approuvez, et que vous dites que ce n'est pas un monkar, vous dites, la vérité dans ces cas-là, vous avez perdu la manche. Si vous dites que ça, ce qui se fait autour des tombes, et ces cultes qui sont voués aux tombes, etc., etc., ce n'est pas un monkar, vous avez perdu la manche. Et vous devez vous soumettre à la vérité. Et vous revenir vers à votre raison. Et vous délaisser. Et appeler à délaisser ce qui s'adore en dehors de l'Allah Azza wa Jal. Et blâmer l'associationnisme. Et l'adoration des tombes. si vous dites, nous, on n'adore pas les statues, et si vous dites, nous, on n'adore pas les statues, mais on adore, on demande à l'Aulia, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ainsi dans Sourate Younes, certes les alliés d'Allah, ils n'ont pas à avoir peur, ils n'ont pas à être attristés. فهذه ندعو الأولياء هذه شبهة القبوريين. فأبو جهل يقول لك أبو جهل وأبو لهب والمشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون اللات والعزى ومنات وهبل يعبدون الأصنام ونحن ما نعبد الأصنام نحن لا نذبح للات ولا نستغيث بمنات ولا ننذر لهبل ماذا نفعل ما نفعل كل هذا لماذا أنتم يا أتباع محمد بن عبد الوهاب تقولون بأننا مشركون لسنا بمشركين المشرك هو الذي يعبد الصنم المشرك هو الذي يذبح لهبل ويستغيث باللات نحن نستغيث بأولياء الله ما نستغيث بالأصنام والأحجار نحن نطوف حول قبور الصالحين ونستغيث بالنبي نحن ندعو النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقول المدد المدد يا رسول الله والله عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نحن نتوسل بالأنبياء فلما تنكرون علينا. Voici ici une ambiguïté des gens qui adorent les tombes. Ils te disent Abu Lahab, Abu Jahl, et les associateurs que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a combattu, adoraient Lat, Wal-Uzza, Imanat. Et les associateurs, les Qoborites te disent maintenant, nous on ne fait pas de vœux pour Hubal. On ne fait rien de tout ça. Pourquoi ils te disent, pourquoi vous, les disciples de Mohammed ibn Abdul Wahhab, vous dites de nous, nous sommes des associateurs. Nous ne sommes pas des associateurs. L'associateur, c'est celui qui adore les statues. L'associateur, c'est celui qui égorge pour Hubal. L'associateur, c'est celui qui cherche au secours auprès de Lat. Et nous, on cherche au secours auprès d'Al Awliya. On ne cherche pas au secours auprès d'Al Asnam, d'Al statues ni les pierres. Nous, on tourne autour des tombes d'Al Awliya, Salihin. Et on demande secours à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et on demande à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et on dit le madad. Ya Rasulallah, donne-nous. Hein? Lianna Allah, Allah il nous a dit, dans un verset, et certes, les alliés d'Allah n'ont pas à avoir peur et n'ont pas à être attristés. Donc nous, nous prenons comme intermédiaire les alliés d'Allah. Et pourquoi vous nous blâmez? Ça, c'est l'ambiguïté d'Yel, le Qoboriyun actuel. وللشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رسالة عظيمة جدا تكشف هذه الشبهات كلها وهي بعنوان كشف الشبهات فالشرك شرك والله لا يرضاه أبدا ولو صرف ذلك لأعظم المخلوقات فالمشرك إن مات على شركه خالد مخلد في النار والله لا يغفر الشرك والقبوريون لا يفهمون هذه القضية وملبس عليهم. إيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه il a un grand épître, un petit épître dans les, dans la, il est petit au niveau des feuilles, mais il est grand au niveau des points à retenir. Il refute toute cette forme d'ambiguïté. Ça s'appelle Kashf Shubuhat, hein, enlever le voile sur les ambiguïtés. Et, car l'associationnisme, c'est l'associationnisme. Allah subhanahu wa ta'ala ne l'agrée pas, même si on vous s'enculte à la plus noble des créatures. Mais il ne sera pas agréé, min Allah Azza wa Jal. Et l'associateur, s'il meurt sur l'associationnisme, il est éternellement au feu de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas l'associationnisme. Et les Quburites, ceux qui adorent les tombes, ne comprennent pas tout ça, parce qu'on déguise la situation pour eux. Parce que ils baignent dans l'ignorance. Et les maîtres de la secte, ils maintiennent dans l'ignorance pour hein, les utiliser comme ils veulent, ils les orientent comme ils veulent, parce qu'ils ont une règle. Le mourid, le disciple, doit être dans les mains de son cheikh comme le mort entre les mains de ses laveurs. Qu'est-ce qu'il fait le mort quand tu le laves? Rien. Tu soulèves ses mains comme tu veux. Hein? Tu soulèves son corps comme tu veux. Tu le tournes à droite et à gauche. Et ainsi, les soufis et les disciples d'Yel Machir, d'Yel Soufi, ainsi ils sont éduqués à être comme un mort devant leur cheikh et devant les orientations de leur cheikh. On ne remet rien en question. Tout c'est une révélation min Allah Azza wa Jalla, a'udhu billah. ويقول الشيخ الجواب هنا أي الجواب على من؟ على هؤلاء الذين يدعون أنهم يعبدون الأولياء ويدعون الأولياء أولا أن الموصول الذين من أدوات العموم فيشمل كل من دعي وعبد من دون الله من ملك ونبي وولي وشجر وحجر وصنم وغير ذلك. وهذا في قوله إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. Donc premièrement, ici une réfutation. Cette réfutation demande de vous que vous appreniez l'arabe. Parce qu'il va parler d'un certain terme qui est dans le balagha et qu'utilisent les gens, les savants du Nahw et autres. Il parle d'une lettre qui s'appelle le Mawsoul, qui est la lettre Ladina. Et ça, c'est une Ladina, quand il est Mawsoul, utilisé en terme Mawsoul, je ne sais pas comment il faut le traduire en français. Ça, c'est un outil, qui disait le général, global. Et donc, ceci englobe tout ce que vous, à qui vous demandez, que vous adorez en dehors d'Allah, Azzawajal, que ce soit des prophètes, que ce soit des anges, des walis, oula, des tombes, oula, des pierres, oula, oula, tout ça est non avenant. Tout ça est non avenant. Le verset, il dit, Inna alladina, ceux à qui vous demandez en dehors d'Allah, Azzawajal, ils ne vont pas créer quoi que ce soit. Ceux rentrent dedans tout. C'est général, il n'y a pas d'exception. Tout rentre dedans. Ange, homme, pierre, statue, cheval, vache. Il y a des gens qui vont, qui adorent les vaches. Il y a des gens qui attendent que la vache fasse son pipi pour faire ses rites de purification. Par adoration. Donc, fil ayati, inna alladina tad'una min dunillahi, لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب فالاسم الموصول للذين من أدوات العموم إن الذين تدعون من دون الله تشمل كل ما دعي وعبد من دون الله فكل ما يدعى من دون الله لا يملك لا النفع ولا الضر ولا الخلق ولا الإماتة ولكن الصوفية يعتقدون أنهم يملكون النفع والضر. Donc, le verset dans Sourate Al-Hajj, verset 83, où il est dit ceux, et ceux, le terme ceux là, et ceux à qui vous demandez en dehors de l'Allah ne vont pas créer une mouche, même s'ils se réunissent pour la création d'une mouche. Et si la mouche leur prend quelque chose, ils ne peuvent rien. Donc celui qui demande et celui à qui on demande sont faibles, tous les deux. Et ceux, le terme ceux, dans le lexique de la langue, cela c'est mensonge, et cela en général ça désigne tout ce qui terme général, ceux. Tu peux pas faire, il n'y a pas d'exception qui est faite. Ceux qui sont adorés en Allah, anges, prophètes, etc., etc. Tout ce qui s'adore en dehors de la Zawajal, tout ce à qui on demande en dehors de la Zawajal ne peut rien. Ni le bien, ni le mal, ni la création, ni le fait de faire mourir, ni de faire ressusciter, rien du tout. Mais les sophies croient qu'ils possèdent le bien et le mal. Ils croient même qu'ils peuvent te faire du mal. Ils croient même, ils ont pas ce qu'ils appellent le keshf, que Cheikh il lit dans ton cœur, ce que tu es en train de penser. Subhanallah. Ils appellent ça le keshf. C'est-à-dire, dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Je sais pas. Ils ont peut-être des lasers à la place des yeux. À la place de l'esprit. يقول الشيخ أبو مالك الجهني حفظه الله تعالى أنه مرة كان في الحج، لا يقول الشيخ أبو مالك الجهني أن الشيخ إبراهيم الجهني حدثهم أنه مرة كان في الحج وكان يتكلم عن التوحيد في مخيم لبعض الجاليات العربية، فقام رجل وقال له ائتني بدليل من القرآن على أن الأولياء لا ينفعون ولا يضرون، فتلا عليه الشيخ إبراهيم هذه الآية من سورة الرعد: أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور والقرآن كله أخ الإسلام كله يدل على أن الأولياء لا ينفعون ولا يضرون، فهؤلاء مساكين لبس عليهم، أما يسمعون قول الله عز وجل لسيد الأولياء وسيد المرسلين وسيد الأولين والآخرين، فغيره من باب أولى. قل لهم يا محمد قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. الشيخ أبو مالك الجهني كي لون برون لا ماجوريتي دي كومونتير سور المولد العبد الزلال دي كو الشيخ إبراهيم الجهني لو غادي ان جور alors que الشيخ إبراهيم اللي تي faisait دعوة pendant le حج et un jour dans une tente il parlait à des gens, il parlait du monothéisme à des gens d'une arabe, il n'a pas cité le pays, et un homme s'est levé et lui a dit cite-moi une preuve dans le Coran comme quoi l'Auliya ne font ni le mal ni le bien. Et Cheikh Ibrahim lui a récité ce verset: est-ce que vous avez pris en dehors d'Allah des Auliya qui ne peuvent rien pour eux-mêmes, ils ne peuvent ni le bien ni le mal pour eux-mêmes? Il dit: est-ce qu'ils sont égaux l'aveugle et celui qui voit? Est-ce que sont égaux les ténèbres et la lumière? Ya akhi al-Islam, le Coran, tout le Coran, tout prouve que les awliya ne peuvent ni le mal ni le bien. Ils peuvent te donner ni le mal ni le bien. Ils ne peuvent te ramener ni un bien ni te faire du mal. Ceux-là, ce sont des pauvres, msakin. On leur déguise la situation. On les enduit en erreur. On profite d'eux et de leur portefeuille. N'entend-il pas la parole d'Allah Azza wa Jal qui dit à la plus noble créature et aux imams d'Yal Awliya depuis le début de la création jusqu'à la fin qui est Muhammad alayhi salatu salam, et cette parole, si Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit à son prophète alayhi salatu salam, qu'est-ce qu'il en est pour les autres? Il dit: dis-leur ya Muhammad, dis, je ne possède ni le bien, ni le mal pour moi-même. Rien. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Qui est l'imam d'Yal Awliya? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut rien pour lui. Et rien pour personne. Comme il l'a dit à Fatima radiallahu ta'ala wa arda. وأخيرا ثالثا من الأدلة التي ترد على هؤلاء: وإذا كان الله عز وجل قال لنبيه وأفضل عباده وأقربهم إليه وسيلة وأعظمهم عنده جان قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فغيره من باب أولى. وأخيرا: فمن دعا غير الله أيا كان المدعو، وليا أو نبيا أو ملكا أو إنسيا أو جنيا أو صنما أو غير ذلك، فقد أشرك بالله عز وجل شركا أكبر يخرج من الملة، وناقض هذه الآية التي ذكرناها وإن قال لا إله إلا الله وصلى وصام وزعم أنه مسلم. Et troisièmement, le troisième point pour réfuter ce que prétendent Ado, qui adorent et qui prennent comme intermédiaire l'Awliya, ici Allah Azzawajal a dit à son messager, alayhi salatu salam, la plus noble de ses créatures et le plus proche d'Allah Azzawajal, et celui qui a la plus grande et l'énorme place auprès d'Allah Azzawajal, il a dit dans Surat Al-A'raf, dis à Muhammad, je ne peux rien pour moi. Ou je ne peux ni le bien ni le mal pour moi, sauf ce que veut Allah Azzawajal. S'il l'a dit pour Muhammad alayhi salatu salam, qu'est-ce qu'il en est des autres? Et à la fin, cher de le dire, celui qui invoque, qui demande à quelqu'un d'autre qu'Allah Azzawajal, que celui à qui il demande, qu'il soit wali, qu'il soit nabi, qu'il soit ange, qu'il soit prophète, qu'il soit être humain, qu'il soit diable, ou qu'il soit statue, ou autre, celui-là, il est tombé dans le grand associationnisme. Il a associé Allah Azzawajal, il est tombé dans un associationnisme qui annule l'islam, et qui a fait sortir de l'islam. Et il est tombé dans la contradiction avec les versets que Cheikh vient de nous citer. Même s'il dit la ilaha illallah, même s'il jeûne, même s'il prétend qu'il est musulman. وعلى ذلك جاءت السنة ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر قال يا رسول الله ما الإسلام قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة الحديث أخرجه الإمام مسلم. فقد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقول الإسلام بقوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا إخلاص العبادة لله. ويظهر من هذا أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت نقية من الشرك كما تقدم في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. Donc, dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, il est rapporté dans l'authentique du muslim du hadith d'Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était apparent aux gens un jour, un homme est arrivé vers lui et dit « Ya Rasulallah, c'est quoi l'Iman ?»« Ya Rasulallah, c'est quoi l'Iman ?» Il lui a dit « C'est le fait que tu crois en Allah, en ses gens, en ses livres et en la rencontre d'Allah. Et que tu crois en ses messagers et que tu crois en la résurrection et l'au-delà. » Et l'homme lui a dit, Ya Rasulallah, c'est quoi l'islam? Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, que tu adores Allah uniquement, que tu lui fasses, que tu réserves ton culte à Allah exclusivement, et que tu ne lui fasses pas d'associer, et que tu n'associes rien à Allah, azzawajal, et que tu accomplisses la prière. Le hadith, il est dans sa Sahih Muslim. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a désigné ici l'islam, et a décrit l'islam comme quoi? Quoi qu'il faut, réserver le culte exclusivement à Allah, azzawajal, et ne pas lui faire d'associer. Et il apparaît ici que toute adoration doit être sincère pour Allah. Il ne doit pas y avoir un atome d'associationnisme dedans. Comme il est passé avec nous dans le hadith Qudsi, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, hein, je suis au-dessus de tout ce qu'on m'associe. Tout associé qu'on m'associe dans les actes d'adoration, je suis au-dessus de tout ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'associer. Et celui qui, dans un acte, il rentre dans son acte en associé avec moi, je le laisse, lui, son associationnisme. Donc la situation est dangereuse. وَقَدْ جَاءَ فِي السُنَّةِ أَحَادِيثِ كَثِيرًا بِمِثْلِ هَذَا الْقَيْدِ لِلْعِبَادَةِ وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ مُسْلِمْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَرَبِيًا عرض لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في سفر فأخذ بزمام ناقتي ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي قال كيف قلت؟ قال فعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة والحديث أخرجه الإمام مسلم. Donc un autre hadith dans la Sunna, les hadiths sont nombreux, nous montrent que l'adoration doit être réservée exclusivement à Allah Azza wa Jal. Sahih Muslim d'Abu Ayyub رضي الله عنه, qu'un bidouin est arrivé vers le prophète عليه الصلاة والسلام, ils étaient en voyage et il a pris le rein d'elle, la monture du prophète, de la chamelle du prophète. Il lui a dit, Ya Muhammad, Ya Rasulallah, annonce-moi quelque chose qui va me rapprocher d'Allah, du paradis. Et qui va m'éloigner de l'enfer. Regardez les questions des compagnons. Qui va me rapprocher du paradis, qui va m'éloigner de l'enfer. Il cherche à être sauvé. Hein? Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, a regardé ses compagnons, et il a dit, celui-là, il est guidé. Celui-là a été accompli. Regardez. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as dit? Et il a répété. Et le bédouin a répété. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, que tu adores Allah exclusivement, que tu réserves ton culte exclusivement à Allah Azzawajal, que tu lui fasses aucun associé, et que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de la zakat, et que tu entretiens la relation familiale. Lâche la chamelle. Lâche la chamelle. Le hadith, il est dans Sahih Muslim. Fi Sahih Muslim, kadalik, min hadith ibn Umar, marfou'an, yaqul, buniya l'islamu ala khams, an yuwahhad Allah. الحديث في باب أركان الإسلام ودعائمه من كتاب الإيمان. إذن الأوتنتيك دو مسلم دو حديث ابن عمر كي لو غوليف ديريكتومون إلى تخبي ديريكتومون الرسول صلى الله عليه وسلم دي الإسلام يبازي سور 5 كون غزيرف لو كولت اكسكلوزيفمون الله عز وجل كون ينيفي الله عز وجل دون نو زاكت. الحديث إلي دون شابيتر دو لي بيليي دو الإسلام إي سي باز dans le livre de l'imam de Sahih Muslim. Et dans Sahih Muslim, il y a aussi le mot de qu'il y a des gens qui disent « La ilaha illallah » et qu'ils font la salat et qu'ils font la zakat et qu'ils croient dans tout ce qui vient de le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils font la salat et qu'ils font la zakat et qu'ils font la salat et qu'ils font l'islam. Et dans l'authentique des muslims aussi, lors de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent « La ilaha illallah » ne dit ni de khadour avec Allah azza wa jal et qu'ils accomplissent la prière et qu'ils s'acquittent de la zakat et qu'ils croient en tout ce qui a été rapporté par Mohammed alayhi sallallahu alayhi sallam. Et le fait de combattre ceux qui ne s'acquittent pas de la zakat ou autres, cela fait partie des droits de l'islam, comme l'a fait Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu wa arda. Aurada fi hadithi Abi Malik an Abi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min duni Allah hurima maluhu wa damuhu wa hisabu Allah. Donc il a été rapporté aussi chez l'imam muslim rahmatullah alayh d'Abu Malik de son père. Il a dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wasalam dire, celui qui a dit la ilaha illallah, ni dit d'être adoré qu'Allah azza wa jal, et qui m'écroit réserver le culte à Allah et se débarrasser de l'association, il m'écroit en Allah azza wa jal, en tout ce qui s'adore en dehors d'Allah azza wa jal, sa fortune est devenue sacrée, intouchable, ainsi que sa personne n'a pas le droit de le tuer. Et son compte, il le trouvera devant Allah Azza wa Jal. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui doit lui faire les comptes. Et tout ceci était imam muslim. وَقَدْ تَبَيَّنَ مِنْ جَمِيعِ مَا سَبَرْنَا وَأَنَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ بِلِسَانِهِ وَنَاقَضَهَا بِأَفْعَالِهِ كَانِ يَدْعُو الْمَخْلُوقِينَ وَيَعْتَقِدُ فِيهُمُ الْقُدْرَةَ عَلَى جَلْبِ النَّفْعِ وَدَفْعِ الضَّرِّ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ أن قولها لا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة فلا تعصم دمه في الدنيا ولا تنجيه من النار ولا تدخله الجنة في الآخرة وقد اتضح الحق لمن أراده والتوفيق من الله. Il nous apparaît clairement dit Cheikh ici. Après, tous les textes qu'il a cités, que celui qui dit la ilaha illallah tout simplement avec sa langue et qui l'annule avec ses actes, comme il demande à une créature. Hein? Il croit que cette créature est capable de lui donner les choses que sauf Allah subhanahu wa ta'ala peut donner, ou que cette créature va lui ramener un bien, ou va le protéger d'un mal. Il croit en cette personne des choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire. Il dit que celui qui l'a dit, en agissant ainsi, il lui servira à rien, ni dans ce bas monde, ni dans le delà. Et il va pas l'épargner du feu de l'enfer. Il va pas le faire rentrer au paradis dans le delà. Et la vérité est devenue maintenant claire à celui que Allah subhanahu wa ta'ala a accompli. Sallallahu subhanahu wa ta'ala jalna wa iyakum. Nilladina istami'una qawla wa ittabi'una ahsana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu alayhi wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.